putain ni la fille amant. La pire fortune à la beauté poum poum. Une beauté canon quand elle marche boum. C'est aussi canon que la beauté de l'ébène ou un rayon de soleil à ma belle. Tonton, tonton, tonton, tonton, femme dans sa démarche féline. Non vraiment ça me rend dingue. Son sourire est aussi cool que le soleil et le vent. Et avec la nina